Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La mort vivante, une série d'Élise Bruau réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le plaisir des histoires qui font peur, et cette vieille idée qu'un mort ne l'est jamais tout à fait, comme un espoir, à moins que ce ne soit un cauchemar, voire une délicieuse attraction vampirique. Alors pour commencer, les personnages. Un légiste anthropologue qui nuance, un vampirologue qui définit, un conservateur bien armé, un spécialiste de Dracula, un dandy à cap, un auteur de bande dessinée fasciné et un commissaire d'exposition séduit. Ensuite, le décor. La lumière, des épidémies, une gousse d'ail, des poils dans la main, les Carpates, un musée et une arbalète, des miroirs, un pieu d'acier, le désir et l'aliénation, des enterrés vivants, la peur des revenants, des Troyes et du sang contaminé. Aujourd'hui, 4e épisode, on est au cinéma. Alors vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie? Comme je vous disais, ce que je fais, j'interviewe les gens, je collectionne les vies. Pour une radio FM, KFRC. Il vous faudra beaucoup de cassettes pour mon histoire. Aucun problème, j'ai plein de cassettes dans mon sac. Bon, on commence quand vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral. Absolument. Je vous attendais dans cette ruelle. Je vous observais en train de m'observer. Puis vous m'avez adressé la parole. On peut dire que c'est mon jour de chance. C'est peut-être vrai pour moi aussi. La mort vivante, obsession vampire. Par Élise Gruau et Anna Schmuck. Vous dites que vous m'attendiez, mais qu'est-ce que vous comptiez faire? Me tuer, boire mon sang, ce genre de truc? Oui. Mais vous n'avez pas besoin de vous en soucier pour l'instant. Vous le croyez vraiment, n'est-ce pas, que vous êtes un vampire? Nous ne pouvons commencer ainsi. Je vais allumer la lumière. Je croyais que les vampires détestaient la lumière. Nous l'adorons. Je voulais seulement vous mettre en condition. Merde alors. Philippe Charlier, vous qui travaillez en tant que médecin et anthropologue sur la mort et sur les façons de mourir, comment comprenez-vous les figures de morts vivants qui ont peuplé l'imaginaire des différentes cultures? Les morts vivants, à mon sens, projettent deux différents types d'imaginaire. Le premier, c'est l'idée qu'il y a quelque chose après la mort, que la mort n'est pas une fin, que la mort est une transformation, un passage, et qu'il y a parfois un retour qui est possible sous une forme qui est fortement transformée, fortement remaniée, un peu cauchemardesque. La deuxième idée, c'est celle que la mort peut avoir un aspect contagieux. C'est-à-dire qu'il y a des maladies contagieuses, qui sont des maladies infectieuses, bactéries, virus, parasites, qui ont été bien définies après Pasteur notamment. Mais déjà avant, on avait cette idée que la mort peut frapper de façon épidémique. Et l'icône même de la mort épidémique, c'est le vampire. Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je suis impatient de vous connaître. Au col de Borgo, ma voiture vous attendra afin de vous mener jusqu'à moi. Je souhaite que votre voyage depuis Londres se soit déroulé dans la joie et que vous vous félicitiez de votre séjour dans mon beau pays. Votre ami, D. Alors qu'est-ce qu'un vampire? Un vampire est un individu qui est biologiquement, socialement mort, mais qui est transformé et pour lequel il existe, non pas une vie, mais une sorte de pseudo-vitalité. Du sang coule encore dans ses veines, qui n'est pas son propre sang, mais qui est un sang qu'il va aller chercher dans les corps d'individus bien vivants. Et là, soit il va les tuer, soit il va les transformer en d'autres vampires, selon les traditions, selon les contextes chronologiques ou culturels. Donc, C'est pas un non-mort, c'est pas un mort, c'est une sorte de mort-vivant, mais qui n'a pas l'aspect d'un zombie, qui n'a pas l'aspect d'un fantôme, qui est une transformation physique, mais aussi morale, d'un défunt à qui l'ouverture des portes du paradis a été refusée pour mille et une raisons, qui peuvent être des péchés, qui peuvent être des défauts moraux durant son existence, ou qui peuvent être aussi une malédiction. I am Dracula. It's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and... Well, and with all this, I thought I was in the wrong place. I bid you welcome. Jean Marigny, vous êtes professeur de littérature honoraire et vous êtes aussi vampirologue, spécialiste des vampires. Alors, je ne sais pas si on peut employer ce terme parce qu'il n'est pas reconnu par l'université française, mais moi je l'accepte. Écoutez. Écoutez. Les enfants de la nuit font la musique. À quoi reconnaît-on un vampire ? C'est ce qu'au Moyen-Âge on appelait un revenant encore. Car contrairement aux fantômes qui sont immatériels, lui était parfaitement tangible. Et la preuve, c'est qu'il était capable de sucer le sang. La deuxième caractéristique du vampire, c'est qu'il ne peut survivre qu'à la condition de s'alimenter constamment de sang frais. La troisième grande caractéristique, c'est que les victimes du vampire deviennent à leur tour vampires après la mort. Donc il est une sorte d'antéchrist, puisque le Christ donne son sang pour sauver l'humanité, alors que lui, au contraire, il prend le sang des autres pour mieux les vouer à la damnation. Je vais t'éviter de ton sang jusqu'au seuil de la mort. Si je t'abandonne ici, tu meurs. Oh, tu peux devenir éternellement jeune, mon ami, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais tu dois me répondre. Veux-tu venir ou non ? Il est pratiquement immortel. Et la seule façon de mettre fin à son existence, c'est de lui planter un pieu dans le cœur ou de l'exposer à la lumière du jour ou à un feu. Et évidemment, il déteste l'eau, il déteste l'ail, il déteste les symboles de la croix, les symboles religieux. La vue de la croix le fait fuir. Vous aimeriez peut-être une autre cigarette ? Oui, je veux bien. Ça ne vous dérange pas ? Non. Ça aurait été plutôt surprenant, aucun risque que vous mouriez du cancer. Non, c'est peu probable. À propos, et les crucifix ? Les crucifix ? Vous pouvez les regarder. Justement, j'aime beaucoup regarder les crucifix. Et l'histoire du pieu dans le cœur, c'est vrai ? Ridicule. Les cercueils, vous dormez dans un cercueil ? Les cercueils ? Les cercueils sont hélas une nécessité. C'est un individu nocturne. C'est un individu nocturne. Il a des poils dans la paume de sa main. Alors on dit par exemple que les gens comme moi, dont les sourcils se rejoignent, sont susceptibles de devenir vampires après leur mort, que les gens qui sont très roux, qui ont les yeux très bleus, ou au contraire des yeux très foncés, sont susceptibles aussi de devenir vampires. Le fait aussi, pour un bébé, de naître avec une partie du placenta sur la tête, ce qu'on appelle être né coiffé, ça peut prédisposer à devenir vampire. Et là, il y a une anecdote, c'est que lorsqu'on a enterré Ceausescu, il y a un témoin de la scène qui a dit « De toute façon, il reviendra parce qu'il est né coiffé ». Et ça, au XXe siècle. Donc, ça montre que ce genre de croyance est tenace. À quelle époque apparaît cette idée du vampire qui aspire le sang ? Déjà dans l'Antiquité grecque, on a cette idée du vampire qui aspire le sang, puisqu'il y a une femme qui s'appelle Lamia. Lamia est une femme qui est morte avant d'avoir eu la possibilité d'avoir des enfants. et du coup elle est morte frustrée de ne pas avoir été mère. Et du coup on dit qu'elle hante, sous cet aspect vampire, les rues d'Athènes et d'ailleurs, et elle se faufile par les fenêtres pour aller sucer le sang des enfants jusqu'à la mort et aspirer ainsi un peu de la vitalité de l'enfant. Elle emporte leur âme et leur vitalité avec elle, et le corps froid, blanchâtre, livide des enfants est retrouvé par les parents le lendemain matin. C'est la première explication, irrationnelle en l'occurrence, qui a été donnée à la mort subite du nourrisson. Pour se prémunir de l'arrivée de l'amia, eh bien les Grecs pouvaient utiliser des petites gousses d'ail qu'ils mettaient sur le bord de la fenêtre, à l'extérieur, ou sur le pas de la porte de la chambre de l'enfant. On retrouve déjà ici un tout petit peu de ce caractère irrationnel, magico-religieux et aussi symbolique qu'on retrouvera beaucoup d'années plus tard dans Le Vampire de Transylvanie, ou sous la plume de Bram Stoker. Jean Marigny, le Dracula de Bram Stoker, il paraît en 1897. Oui. Et quelle est la réaction du public à cette époque ? C'est bien vendu, mais le roman serait certainement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas été repris par le cinéma. Le phénomène du vampirisme a été attesté à partir du 10e, 11e siècle, dans les chroniques en latin de l'époque, où on parlait d'événements au cours desquels des morts seraient revenus hanter leurs proches, soit pour provoquer la mort à distance, soit pour leur sucer le sang. On utilisait un mot latin qui était le mot sanguis uga, c'est-à-dire sangsu, hein, en fait. Et pendant très longtemps, c'est le seul terme qui a existé. Et puis, peu à peu, est-ce le fait de l'Inquisition ? Ce genre de croyance a cessé de se répandre en Europe occidentale, mais il y a eu une résurgence au XIIIe siècle dans l'Europe orientale. Et c'est là qu'on rencontre de nouveaux vampires qui, cette fois, ont des noms germaniques ou slaves. Alors, généralement, contrairement à ce qu'on voit au cinéma ou ce qu'on voit dans la littérature contemporaine, le vampire se reconnaît à, non pas à son teint très pâle, mais au fait qu'il était cramoisi. Il était bouffi et cramoisi parce qu'il était gorgé de sang. Et quand on ouvrait un cercueil et qu'on trouvait un cadavre correspondant à cette description, automatiquement, on en concluait que c'était un vampire. Cette nuit-là, tandis qu'il s'enfonçait au cœur de la Transylvanie subcarpatique, le professeur Abronsius ne se doutait pas qu'il était sur le point de voir aboutir les recherches mystérieuses qu'il avait entreprises. Pendant des années, il avait sillonné de long en large tous les pays de l'Europe centrale, accompagné de son seul et fidèle disciple, Alfred. Homme de science d'une vaste érudition, théoricien génial mais hélas méconnu, le professeur Abronsius avait tout abandonné pour se consacrer corps et âme à ce qu'il considérait comme une mission sacrée. Il avait même perdu sa chaire à l'université de Königsberg, où pendant longtemps ses collègues l'avaient surnommé « le cinglé ». Des loups ! Donc je monte devant, comme vous verrez à quel point c'est vieux. Alors les voisins ont une vision assez étrange. Les adultes me surnomment la maison des morts, et les enfants les repères du loup. Alors je préfère là, ça. Donc voilà, c'est là. Et alors, certains voisins, quand on leur demande où est le musée, ils font un signe de croix, paraît-il. Surtout les personnes âgées, mais bon. Et les volets fermés, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est une maison habitée. J'ai des lumières à l'intérieur qui restent ouvertes tout le temps, voilà. Et j'ai des vampires que je lâche la nuit aussi, donc en gros, c'est un peu protégé, voilà. Et donc musée, mais musée de quoi ? Musée des vampires et monstres de l'imaginaire. Alors, j'ai mis au pluriel parce que musée du vampire, ça donne l'impression que le musée appartenait à un vampire, on ne sait jamais. Et donc c'est un musée unique au monde qui est assez petit, qui est peut-être le plus petit musée du monde, il fait 30 mètres carrés. Donc il fera dans les 80 mètres carrés quand il sera agrandi. Alors vous allez voir, j'ai surtout des livres, j'ai une collection de livres uniques au monde qui remonte au XVIIe siècle. Ce qui fait que moi-même je suis écrivain et pour mes recherches, je me contente de rester chez moi maintenant. Vous allez voir une arbalète anti-vampire, Serbie, fin 19e siècle, j'ai un piège à loup-garou aussi. J'ai une magnifique connexion de tableaux de peintres contemporains, une douzaine de peintres extraordinaires. J'ai une boîte d'armes anti-vampires, un kit anti-vampire de la fin du 19e siècle. J'ai des masques, voilà, j'ai tout ce qui concerne le vampire et la sorcellerie. Donc on va rentrer par derrière, si vous voulez. Incroyable. Et Alissa. Selon le professeur A. Alibori. Oui, c'est ça. Leur image n'est jamais réfléchie. Oui. Ainsi, par exemple, nul ne peut les voir et ils ne peuvent se voir eux-mêmes dans un miroir. Oui. Dans un miroir. Oui. Dans un miroir. C'est vraiment la jungle à l'intérieur. Oups, attention. Faux crâne. On est ici dans un appentis qui est dans le jardin qui est à l'arrière de votre maison. Oui. Et une petite pièce au mur incliné. Et c'est vraiment littéralement rempli, comble d'objets, de photos, de peintures, de chauves-souris accrochées. Une arbalète anti-vampire. On ne tue pas un vampire avec une arbalète, on tue un loup-garou. Parce que le loup-garou, on le tue en mouvement. Et le vampire, on le tue quand il est immobile, donc avec un pieu. Par contre, il y a des gens qui pensaient qu'on pouvait tuer un vampire avec... un arbalète, surtout qu'on pouvait penser que certains vampires pouvaient se transformer en loup aussi dans les pays des Balkans. Donc en gros, c'est pas illogique d'avoir une arbalète anti-vampire. Là, vous avez une boîte d'armes, un kit anti-vampire. Ce kit anti-vampire, donc une boîte en bois, et l'intérieur du couvercle, il y a un miroir. Et puis les autres objets, qu'est-ce que c'est ? Un pieu en acier, parce que le bois on peut s'abîmer. Un fer à cheval, ça c'est très rare. Si vous voulez détecter un vampire dans un cimetière, vous lâchez un cheval blanc ou noir. La première tombe qui touche au sabot, c'est la tombe combien un vampire. Par contre, si on met un fer à cheval et que le fer à cheval rougit, comme mis au feu, c'est qu'il y a un vampire dans la tombe. L'eau bénite dans un flacon. Et les bains peu connus aussi. Dans la Rome antique, un des rituels funéraires consistait à parler mort de quelqu'un pendant 9 soirs au coucher du soleil à sonner une petite cloche ou à taper dans un vase en bronze, parce que les vampires n'aiment pas le bruit, paraît-il, pour chasser le vampire. D'où on sonne les cloches pour faire peur aux démons au Moyen-Âge aussi. Rare aussi dans le kit anti-vampire, le mercure, capsule de mercure. Le mercure est considéré comme un élément pur, comme le sel. Tout ce qui est pur fait fuir les démons et les vampires. Donc le pieu et le marteau. Très rare aussi, mais ça s'est collé au fond. Une petite seringue hypodermique qui date de 1875 du docteur Lenoir. C'est la plus petite seringue au monde pour injecter l'eau bénite. Image pieuse, le miroir. Alors ce qui est intéressant, qu'est-ce qui me fait croire que cette boîte est réelle, authentique et pas une imitation? C'est qu'il y a le miroir. Le vampire qui ne se reflète pas dans un miroir est une invention de Bram Stoker dans le roman Dracula, on n'en parle jamais avant. Quelqu'un a fabriqué cette boîte, mais qui croyait vraiment. Donc voilà, c'est la première pièce que j'ai acquise pour le musée il y a 40 ans, chez un petit antiquaire à Lausanne. Voilà, avec la machine à écrire de Bram Stoker. Je pense. Une des machines à écrire dont il s'est servi pour taper le roman Dracula. Voilà. Quand j'avais 10 ans, ma grand-mère m'a offert 50 francs. Je suis allé m'acheter l'affiche originale de Dracula et les femmes. Dracula's Risen from the Grave. Donc voilà, ça, c'est une petite nostalgie aussi, une des pièces auxquelles je tiens aussi. Jacques Sirgent, comment est née votre passion pour les vampires ? Et je suis né au Canada, de parents français. Mon père était professeur à la faculté de McGill. Et je suis allé dans une école catholique irlandaise la plus dure d'Amérique du Nord au Canada. Et j'avais pas le choix, je voulais dire. Ma mère était malade, ma mère avait un problème. Elle était torturée par la Gestapo à la fin de la guerre, elle a perdu la mémoire. Et quand je suis né, si elle ne me voyait pas pendant plusieurs heures de suite, elle oubliait ma présence. Donc l'école était à 50 mètres. Donc j'avais un deal, je descendais toutes les heures dans la cour d'école et je faisais signe maman qui était à la fenêtre, donc elle ne m'oubliait pas. J'aurais jamais dit que c'était une école où on fouettait les élèves, systématiquement. Voilà. Et j'ai vu le film de Nosferatu quand j'avais 7 ans, le premier film de vampire de Murnau. Et je me suis dit, lui, il est sympa comparé aux gens qui me frappent. J'ai trouvé gentil, lui. Alors je me suis dit, le mal, c'est peut-être parce qu'on te raconte. Alors je me suis intéressé au mal dès l'âge de 7 ans. Et je me suis spécialisé dans la personnification du mal à l'Université de Genève. Et j'ai traqué le mal depuis, voilà. Dans mes bouquins et dans tout ce que je fais. Avec une définition du mal, parce qu'en gros, beaucoup de gens me disent, le mal, c'est arbitraire. Et c'est pas évident de trouver une définition du mal, parce qu'il y a des gens qui me disent, le mal n'existe pas, personne n'est entièrement mauvais. Ce que je trouvais extrêmement dangereux comme définition. Ça, c'est pas parce qu'on est gentil lundi qu'on peut faire quelque chose de méchant le mardi. Donc j'ai trouvé la définition idéale du mal chez un anthropologue américain, Jeffrey Burton Russell. Le mal, c'est la douleur qu'on inflige volontairement à quelqu'un. Et là, je me dis, J'ai honte de ne pas y avoir pensé plus tôt. Hein? On peut pas dire, on peut rien dire contre ça. On ne fait pas de mal aux gens exprès. Et depuis 40 ans, je garde cette définition-là, qui plaît beaucoup aux enfants, d'ailleurs, ils comprennent tout de suite, et voilà. Et beaucoup d'adultes aussi. Donc voilà. Derrière nous, il y a un miroir. Est-ce qu'on y est vraiment reflété dedans? Est-ce que vous voyez dans le miroir? Ben non. Voilà. Si, quand même. Voilà. Alors, d'où ça vient, ça, c'est bon, c'est psychanalytique, hein, mine de rien. On ne voit pas le vampire, parce qu'il n'est pas... Le vampire n'a pas de reflet, parce qu'il est le reflet de nos peurs. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le vampire? Pour se protéger, à mon avis, des religions établies, parce que le vampire n'a pas d'âme. Hein. Faut pas oublier que c'est la seule créature d'imaginaire qui n'a pas d'âme. Et n'ayant pas d'âme, il échappe à la malédiction du jugement dernier. Mettons que vous soyez le diable ou le bon Dieu. Vous voulez me faire quoi? Je suis... J'ai pas d'âme. Vous pouvez rien contre moi, je suis libre. Par contre, comment est-ce qu'on tue un vampire? Un pieu dans le cœur. Ça prouve qu'il en a un. Donc on tue sa capacité d'aimer. Donc pour moi, c'est un être subversif, révolutionnaire et adorable. Le vampire méchant est né avec Dracula. Parce que Dracula, c'est pas un vampire, c'est une métaphore politique sur l'Angleterre. Bram Stoker est irlandais, il n'aime pas l'Angleterre, il a bien raison. Il ne va pas le dire parce qu'il veut quand même vendre son bouquin. Donc il va le suggérer. Et dans Dracula, j'ai fait la première traduction de Dracula intégrale pour Gallimard il y a 6 ans. Il manquait à peu près 10 pages depuis un siècle et demi. Dans le roman Dracula, à toutes les pages, il y a une petite phrase qui dit « Les gars, c'est pas un roman de vampire, il y a quelque chose entre les lignes. » Et comme Dracula est convaincant, depuis Dracula, la plupart des vampires sont méchants. Mais jusqu'à Dracula, tout le monde voulait être vampire parce que tout le monde veut être libre. Ils vivent sur Terre entourés des gens qu'ils aiment. C'est très basique, le vampire. Hein, il vous mord, il mord que ceux qu'ils aiment. Vous devenez immortel comme lui, vous restez sur Terre. Ce qui est plutôt sympa, je trouve. Je ne suis rien. Dépourvu de vie. Dépourvu d'âme. Je ne comprends pas. Détesté et redouté. Je suis mort aux yeux du monde. Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis Dracula. Mathieu Orléans, une grande figure aussi, toujours si on est dans la lignée de Stoker, c'est le Dracula de Francis Ford Coppola. Il met plus en lumière que tous les autres films de vampires une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour passionnelle, impossible à travers les âges, à travers le temps, à travers la différence, une histoire d'amour, cette peur de la mort, la question de mourir ensemble, enfin ça va très très loin dans la dimension passionnelle. Donc entre le comte Dracula et le personnage de Mina interprété par Winona Ryder. Oh Mina, buvez et rejoignez-moi dans la vie éternelle. Coppola, fidèle peut-être à lui-même tout simplement, a tourné le film d'une manière où ça aille très très loin dans cette question de l'aliénation par l'amour. Et on suit ces deux personnages. C'est peut-être un des rares films où la mort finale du vampire est presque vécue comme une tristesse pour le spectateur. Et, enfin, c'est ambigu, quoi. C'est ça où c'est intéressant. Et il y a quelque chose dans le geste même de mordre et cette morsure, évidemment, qu'elle soit homme-femme, entre hommes ou entre femmes, a très souvent dans le cinéma une dimension effectivement sexuelle et représente un coït. Alors, certains films vont évidemment très loin, vont au-delà de la morsure, effectivement jouent sur un érotisme très explicite. Vous êtes tellement bestial. Embrassez-moi, Quincy. Embrassez-moi. Allez voir ça. Regardez. Regardez ses dents. Regardez. Ici. Et ici. Il y a... Nosferatu. Au début du catalogue, là, on voyait la photo du film de Jarmusch. Tilda Swinton, oui. Oui, voilà. Et on voit bien sa dentition. Enfin, c'est deux canines qui sont en train de sortir au moment de... La morsure. De la morsure. Et alors, dans le cinéma, comment évolue la dentition du vampire ? La morsure, c'est quand même la chose qui est la plus récurrente. Et effectivement, la dentition typique des deux dents qui viennent effectivement accrocher la peau et permettre la succion et l'absorption de sang. Après, il y a des films où c'est plus ou moins prononcé, ouais. Parfois mécanique, les dents qui parfois descendent, on les voit pousser à l'écran, voilà, qui descendent, ouais, et qui remontent. Parfois absolument, ça dépend du film. Aiguisez vos incisives. Mathieu Orléans, et avec quel film se produit l'érotisation vraiment du vampire ? Dès les premiers films hollywoodiens, interprétés par Bela Lugosi, donc Dracula de Todd Browning, il y a une dimension tout de suite érotique qui apparaît. Alors Bela Lugosi est un acteur hongrois qui a commencé à travailler en Hongrie et qui ensuite est venu aux États-Unis et qui a joué très très tôt, dès les années 20, en fait, des interprétations pour le théâtre du roman de Stoker. On comptait un petit peu sur lui, il était, voilà, bankable à l'époque. Et il avait aussi cette part d'accent, il était hongrois, donc il incarnait quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu étrange. Et donc voilà, ils ont joué sur ce côté-là, ils l'ont débarrassé, à la différence, voilà, du Murnau, de tous les signes extérieurs de monstruosité. Il a une capacité à se transformer en animal, Bela Lugosi, parce qu'il se transforme en chauve-souris, il se transforme en chien, il se transforme en fumée aussi, mais il peut se transformer en animal, mais il n'a pas un corps d'animal, il a un corps d'homme séduisant. Il y a une dichotomie entre son corps humain séducteur et son corps animal, là où le Nosferatu de Murnau effectivement est tout en un et un personnage éminemment inquiétant dès le début, un personnage surnaturel. Bela Lugosi incarne un dandy avec sa cape, toujours bien habillé dans ce château complètement délabré, abandonné. Et puis, on n'a pas trouvé de photo, j'aurais bien aimé, de Bela Lugosi, dont on a souvent dit, même si ça a été démenti par ses enfants, qu'il s'était tellement aliéné à son personnage, parce qu'il faut dire qu'après, le Todd Browning, il a fait une quinzaine d'autres films où il jouait des vampires, qu'il se prenait un petit peu à la fin de sa vie pour un vampire, et que il venait toujours habillé avec cette tenue, la cape, et que parfois même, on l'aurait surpris en train de dormir dans un cercueil. Tieren und Menschensaugern, von denen Nachtzehrern, von dem Schmetzen in den Gräbern und denen Wiedergängern, von lebenden Toten, die nachts den Fremden durch das Dorf folgen und sich hinten aufhucken. Aha. Transsilvanien, Nosferatu, der Untote. Der Fluch wird auf den Menschen lasten, der Fluch des Vampirs Nosferatu. Il y a cette peur que le mort revienne dans le monde des vivants. Philippe Charlier, vous qui travaillez en tant que médecin et anthropologue sur la mort, est-ce que des gens qu'on croyait morts sont revenus dans la communauté ? Ce genre de cas n'est pas rare. Il y a un ouvrage célèbre au XVIIIe siècle qui s'appelle « Le traité des enterrements précipités » qui est à nouveau un recueil d'anecdotes d'individus qui ont été enterrés vivants. Il y a ainsi un pape de l'an 1000, Gerbert d'Aurillac, qui a été enterré à Saint-Jean-du-Latran et il a, très peu de temps après son inhumation, fait des bruits à l'intérieur du sarcophage. Réouvrir le tombeau d'un pape n'est pas une chose facile, et finalement le tombeau a été réouvert, et on s'est rendu compte que oui, il avait vraiment été enterré vivant. Le corps s'était retourné entre-temps, il s'était mangé une partie des mains, par faim, par soif, soif d'ailleurs plus vraisemblablement, et il avait lui aussi fini par mourir. Donc ce genre d'enterrement précipité, d'inhumation d'individus bien vivants, je dirais pas qu'il était fréquent, je dirais plutôt qu'il n'était pas rare. Il s'est revu également pendant la guerre du Vietnam, où les diagnostics de décès étaient faits par les soldats américains, avec malheureusement pas mal d'erreurs. Et puis c'est quelque chose de l'ordre de la peur. Hein. On sait que Sarah Bernhardt avait une peur panique d'être enterrée vivante, et il y a énormément de brevets qui ont été déposés par des inventeurs au 19e siècle et au début du 20e siècle pour être sûr et certain que l'individu ne soit pas enterré vivant. On sait que certaines personnes se font enterrer avec un téléphone portable, exprès. On sait que d'autres, au 19e siècle, avaient manigancé un système de sonnettes, de cloches, dont le fil était attaché à un doigt d'une des mains, et si la personne se réveillait, eh bien, le cadavre bougeait, le faux cadavre bien sûr, et la cloche à la verticale du tombeau, à l'extérieur, dans le cimetière, tintait. Et à ce moment-là, le gardien du cimetière savait que quelqu'un avait été enterré vivant. Il fallait vite se dépêcher de l'exhumer. Respire pas, respire. Hein? Je vous en prie, aidez-moi, j'ai peur. Moins vite, monsieur. Au secours, aidez-moi, il faut que vous m'aidiez, envoyez-moi quelqu'un. Allez, calmez-vous. Je veux juste entrer chez moi. Pouvez-vous me dire où vous êtes? Je suis enfermé dans une boîte. Je suis enterré dans un cercueil et... Allô? Ils vous disent que vous êtes dans un cercueil. Aidez-moi! Je comprends que vous soyez exaspéré, monsieur. Exaspéré? Attendez, je suis en train de crever, moi, là-dedans! Non! Non, non, non, non, non, non, non! Je me souviens quand je fouillais en Crète et quand je travaillais sur des squelettes à Argos, eh bien on considère que les vrocolaques, ces sortes de morts-vivants qui sont vraiment l'équivalent des vampires, pouvaient ressortir des squelettes. Et je me souviens d'avoir vu et constaté des vieilles femmes, on appelle ça en Grèce des yayas, qui sont complètement couvertes de vêtements noirs, ce sont des veuves, qui ont lapidé des squelettes, parce qu'elles avaient peur que ces âmes errantes, ces vampires, ces fantômes, vraiment une sorte d'entité un peu hybride entre ces deux concepts, ressortent des squelettes, qui étaient des squelettes byzantins, peut-être ottomans. En Transylvanie, est-ce que vous avez pu visiter des cimetières pour voir quelles pratiques anciennes pouvaient attester de la croyance en les vampires ? À Cluj-Napoca, je suis arrivé un matin, il avait neigé et une tombe avait été fraîchement ouverte, le corps avait été sorti, le cercueil était encore éventré et le corps n'était plus là. Et vraisemblablement, il s'agissait d'une exhumation dans un contexte de vampirisme. Certains de mes collègues anthropologues ont noté, jusqu'à encore il y a quelques années, la persistance de ce type de pratique avec un cadavre qui est sorti, qui est déposé à un croisement de rue ou de chemin, généralement en rase campagne. Le croisement, c'est toujours un endroit très important sur le plan magique, religieux ou anthropologique, car un croisement, c'est en deux dimensions, deux chemins qui se croisent, mais c'est également en trois dimensions, le monde des vivants, le monde des morts, ou éventuellement le monde des humains et le monde des dieux. Donc il y a cette idée de microcosme-macrocosme qu'on retrouve sur les croisements. Et ce choix n'est pas anodin. Et bien sur ce croisement, ils ont brûlé le corps, et les cendres ont ensuite été mélangées avec du vin de messe, orthodoxe, et bu par l'assemblée. Donc l'idée était d'offrir une tombe mélangée avec un symbole chrétien, qui servent un peu de contrepoison, si on peut dire, d'exorcisme pour cet individu vampire, et lui offrir une tombe qui est partagée. Partager, c'est pas de l'anthropophagie, c'est une façon de protéger ce mort pour ne pas qu'il puisse être récupéré par les puissances infernales, et ainsi il ne pouvait pas redevenir vampire. Vas-y, ouvre le cercueil pour l'amour du ciel. J'y arrive pas, maître. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, je te dis. Alors, qui est-ce? Son Excellence. Belle Marjolaine. Il y a un autre type de vampire que j'ai pu constater. En fait, c'est pas un vampire exactement, c'est ce qu'on appelle la nécrophobie, la peur du retour des morts. Et ça a été vu sur un squelette d'époque romaine qui venait de Bulgarie, sur la côte de la mer Noire, à Apollonia du Pont. Et c'est un squelette, tout ce qu'il y a de plus banal, dans une tombe recouverte par des tuiles romaines, sauf qu'il avait une petite particularité, c'est qu'il avait un gros trou au niveau du ventre. On l'a vu au niveau des vertèbres thoraciques basses et lombaires. Il y avait un gros trou parce que ce corps avait été empalé par un objet vraisemblablement en bois, un pieu qui depuis s'était décomposé. Il restait la trace de ceci. Donc c'est un individu qui a non seulement été tué symboliquement une deuxième fois en l'empalant par le ventre, eh bien on le tuait de façon certaine et De la même façon, on le fixait dans la tombe. Le pieu était enfoncé dans le ventre, dans la tombe, et de telle sorte qu'il était comme cloué au sol. Cloué non pas avec un clou, mais avec un pieu en bois. Il y avait du coup une crainte que ce mort ne ressorte du monde des défunts pour aller au milieu des vivants, et pour éviter ceci, eh bien, il a été fixé de façon définitive dans sa tombe. Définitive jusqu'à ce que les archéologues arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cimetières où vous avez retrouvé des tombes à différentes époques attestant de cadavres empalés ? Alors, ces pratiques de nécrophobie, on les retrouve un petit peu partout autour de la Méditerranée. Ça a été décrit pour des nécropoles de l'âge du bronze, notamment en France, pour lesquelles les défunts ont été crémés, c'est-à-dire brûlés, et les ossements ont été répartis dans différents contenants. Et cette partition du corps en différents contenants pourrait peut-être correspondre à cette nécrophobie, cette peur que les petites pièces du puzzle ne se recomposent sous la forme d'un corps complet et ne viennent ensuite hanter la communauté des vivants. On a d'autres exemples aussi d'individus, c'est vraiment des pratiques magico-religieuses, où les chaussures ont été brûlées. Et ça, on s'en rend compte, non pas parce qu'on retrouve le cuir brûlé, mais parce que les chaussures à l'époque romaine avaient une semelle faite avec des petits clous de fer. Et donc ces clous ont un aspect un peu amalgamé, fondu, et ces chaussures brûlées ont été retrouvées au pied de la tombe. Le but, il était symbolique, c'était éviter que le mort ne déambule post-mortem. On brûlait ses chaussures. D'autres corps ont été retrouvés avec les mains coupées, les pieds coupés, les mains mises à la place des pieds et les pieds mis à la place des mains. Ainsi, on évitait de la même façon la déambulation du cadavre dans un autre état qui serait celui d'un vampire. D'autres cas encore, un cas célèbre à Venise où un cas de vampirisme a été diagnostiqué. C'est une tombe contemporaine d'une épidémie de peste avec des gens qui étaient dans un lazaret en attendant pendant cette quarantaine de jours de voir si l'épidémie se développait ou pas parmi cette flopée de passagers d'un bateau. On est au XVIIIe siècle et cet individu-là a été enterré avec une brique dans la bouche. L'idée était d'empêcher une sorte de souffle vital ou de souffle quelconque de ressortir par la bouche ou des paroles de malédiction, mais également c'était pour l'empêcher de venir sucer le sang, si on reprend cet imaginaire très victorien, sucer le sang des vivants pour se nourrir au détriment des humains. Livre de bord du capitaine, le Déméter, 27 juin 1897. Avons chargé 50 caisses de terre expérimentale à destination de Londres, en Angleterre. Avons pris la mer à midi au cœur d'une tempête qui semblait venir de nulle part, nous entraînant vers le large. Jean Marigny. On a constaté, par exemple, que les grandes épidémies de vampirisme, c'est-à-dire de la croyance aux vampires, correspondent en général avec les grandes épidémies de peste. C'est donc la peur de l'épidémie, la peur de la mort, qui fait qu'on essaie d'expliquer de façon magique ce genre de phénomène. 3 juillet. Le second a disparu. Approchons de Gibraltar. La tempête se poursuit. Équipage inquiet, persuadé que quelqu'un ou quelque chose est à bord du navire avec nous. Quand il y avait des épidémies de peste, évidemment, il y avait une espèce de panique. Donc on s'empressait de mettre les cadavres soit dans des fosses communes, soit dans des tombes spécialement aménagées, sans s'assurer que la mort clinique avait fait son effet. Et parfois, au bout de quelques temps, quand on ouvrait un caveau funéraire, on retrouvait des cadavres couverts de sang. Parce que les malheureux avaient essayé sans doute de sortir de leur tombe et s'étaient infligés des blessures. Donc il y a une explication rationnelle à cela, mais pour les gens superstitieux, automatiquement ça se traduisait par le fait que ces gens-là étaient des vampires, avaient sucé le sang, ce qui expliquait qu'ils étaient couverts de sang. Et je crois que, bon, ça c'est une théorie personnelle, que si le vampire nous fascine tellement à notre époque, c'est parce qu'il y a une résurgence de toutes ces épidémies, en premier lieu le sida. Hein. On pensait autrefois que le vampire était lui-même vecteur de la peste, et en particulier qu'il pouvait décimer des troupeaux de bovins parce qu'il était contagieux en quelque sorte. C'est la peste, la peste! Que faites-vous ici? Il faut que j'aille à l'hôtel de ville. Le conseil est dissous, il n'existe plus. Alors je veux voir le maire. Il est mort. Rentrez au plus vite chez vous. Je connais la raison de tout ce mal. Je connais la raison de tout ce mal. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Je connais la raison. Et voilà la première interprétation de Dracula, même s'il ne s'appelle pas Dracula, qui est le Nosferatu de Murnau. Avec cette voix crochue. Et voilà, et Klaus Kinski. Klaus Kinski qui interprète donc ce Nosferatu en 1979, qui est pour le coup une citation assez précise du Nosferatu de Murnau dans la gestuelle, dans le côté crochu, les dents, les oreilles, le côté artefact très visible, et en même temps très terrifiant, ça fonctionne totalement. Et Kinski joue parfaitement cette ambiguïté, c'est à la fois le monstre, mais à l'intérieur du monstre, il y a un homme qui souffre. Et Herzog, avec qui j'ai pu parler, racontait que c'était aussi un film qui, pour lui, allemand, était une manière d'essayer de comprendre un petit peu la génération de ses grands-parents, qui est la génération de Murnau. Et ces questions, effectivement, du territoire, du sol, de la patrie, effectivement, d'interroger cette question de ce que c'était que l'Allemagne pour lui, finalement, qui avait... Je connais pas son histoire personnelle, mais il m'a dit comme ça, une génération, la sienne, qui n'a pas eu de père... des pères qui ont été soit tués, soit nazis, donc dans lesquels il était impossible de s'identifier. Donc, pour essayer de comprendre pour lui ce que c'était qu'être allemand, c'était se reconnecter à l'histoire des grands-parents. Il a dit que ce film l'avait permis de s'enraciner dans cette culture allemande pour pouvoir mieux la dépasser, de régler des comptes un petit peu avec l'histoire allemande. Même si frontalement, ça parle jamais du nazisme, il y a certains échos, certaines choses un peu en filigrane, comme la musique de Wagner, qui est souvent utilisée d'ailleurs, sur la question effectivement politique de cette histoire de l'Europe. Et alors que le Murnau de Nosferatu de Murnau se finit plutôt bien, le vampire est tué par la lumière dans le Herzog, ça se termine plutôt en pointillé. On comprend que certes le vampire Dracula est mort, mais il a contaminé avant de mourir quelqu'un qui va continuer quelque part ailleurs cette flamme diabolique, et qu'on n'en aura jamais terminé avec évidemment les pulsions sombres de l'humanité. Tu jouais aux échecs avec Byron ? Eh, s'il te plaît. Non, je veux savoir. Tu adores me raconter ces choses et j'adore les entendre. Alors, comment était-il ? Franchement, c'était un connard prétentieux. Ça ne m'étonne pas. Et Mary ? Comment était Mary Wollstonecraft ? Je t'en prie, dis-le-moi, comment était-elle ? Elle était délicieuse. Je veux bien te croire, oui. Oh, à propos de délices, j'ai une petite surprise. Une expérience. Il ne marche pas, je te signale. Si, si, si, il marche, il est branché. Qu'est-ce que c'est ? O négatif. Ça, c'est délicieux. Du sang en sucette. En sucette. Pas mauvais. Très rafraîchissant, tout spécialement quand ça se met à chauffer. J'ai lu un livre. Dès que j'avais 5 minutes, je faisais des crobards. J'ai fait plein de petits crobards. Et puis, j'ai commencé à avoir une sorte de connexion avec Bram Stoker. C'est-à-dire qu'il s'est posé sur mon épaule, comme ça, et puis il me soufflait des idées. Il me disait, non, je ne fais pas ça, parce que là, à mon époque, il n'y avait pas ce truc-là, et puis tout ça. Enfin, bref, je suis rentré dans le trip. Georges Besse, vous êtes auteur et dessinateur de bande dessinée. Vous venez de signer un album Dracula, publié chez Glénat, dans la version de Bram Stoker. Et pour ce Dracula, vous avez choisi de travailler en noir et blanc. Et j'ai déstructuré, enfin j'ai utilisé le même principe que j'ai dans mes dessins, c'est j'appelle ça moi faire du free jazz. C'est exactement le même feeling quoi. On part sur une idée et puis on fait des fioritures à l'infini et on revient éventuellement à l'idée, on la quitte jamais, mais Voilà, je fais la même chose avec le dessin. Donc c'est comme on fait de l'écriture automatique, moi je fais du dessin automatique. Mais vu le métier, entre guillemets, que j'ai, je peux aller n'importe où, je retombe toujours sur mes pattes. Voilà. Le comte Dracula, quand il apparaît dans votre bande dessinée, il est d'emblée très animal. Oui, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme un vieux dandy, parce qu'il est censé être du XIVe siècle, et avoir survécu pendant plusieurs siècles. Le personnage de Dracula, bon, tout le monde le connaît, mais sans connaître, mais c'est un personnage extraordinaire. C'est dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de héros pareils. Il a cette, la particularité d'être diabolique. D'abord, il a fait un pacte avec le diable pour pouvoir être vampire. C'est raconté dans d'autres endroits. Dans le livre, on n'en parle pas vraiment. Il est vampire, c'est tout. Il est immortel. C'est quand même pas rien comme pouvoir pour un héros. Il y avait bien les dieux de l'Olympe. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, ce personnage. J'ai un peu cassé avec l'idée qu'on se fait à partir des films, du type gominé, bien coiffé, propre sur lui, avec une cape et tout ce qu'on connaît, quoi. Je ne vois pas pourquoi. Un type qui vit dans des cryptes, au milieu de tombes, toiles d'araignées, autre chauve-souris, franchement. Je me suis amusé à le faire autrement. Il y a, par exemple, dans le livre, il est accompagné de 3 vampiresses, je sais pas comment on dit. Moi, j'ai dû en faire 18 ou 20. Alors, c'est une de ces vampires qui flotte, parce que je les ai faites voler, se déplacer dans l'air comme des poissons. Son corps est fait d'une espèce de magma. Il y a des parties de... Il y a des pattes d'insectes. Ça, c'est ma femme qui les a rajoutées. Ça, c'est une espèce d'aile, de chauve-souris ou chauve-genre. Bon, il y a un grand crâne en plein milieu. Ça, c'est une double page avec monsieur qui dort. Parce que les vampires ont le pouvoir d'endormir leurs victimes avant de les mordre. Et ses marques sur sa gorge. Aucune maladie, aucune meurtrissure. Je suis sûr que c'est par là qu'elle a perdu son sang. Ah, et où est passé le sang? Vous étiez un étudiant brillant, Jack. Soyez perspicace, où est passé le sang? Dites-moi. Un gros plan sur cette bouche, très charnue, avec... Les dents, prêtes à dévorer. Dracula arrive. Il arrête le... C'est pas un carnage, mais... De dévoration. Ouais, voilà. Merde. Ah ah Eve. On est au 21e siècle, bon sang. Oh, mais j'avais pas l'intention. Il était si mignon et maintenant je me sens malade. Mais c'est pas étonnant, bordel. Il est dans l'industrie musicale. Oh, ça va, lâche-moi. Tu as bu, Yann? Adam. Tu as bu, Yann. Désolée. Mathieu Orléans, comment avez-vous conçu cette exposition Vampire pour la Cinémathèque française? Il y a un bon bain de sang, un bon bain d'hémoglobine. Alors je crois que l'idée m'est venue, j'ai moi-même du mal parfois à trouver l'origine, mais en voyant, en découvrant Only Lovers Left Alive, le film de Jim Jarmusch, qui pour moi était une magnifique réinterprétation du mythe du vampire, très contemporaine, avec des pistes d'interprétation, de lecture qui me semblaient très neuves, tournées en plus en partie au Maroc, un pays qui est assez peu filmé, qui du coup crée, je trouvais, de belles perspectives totalement inédites sur ce mythe, sur ce thème. Et du coup, c'est vrai que, voilà, en tant que cinéphile, ça m'a fait penser à un certain nombre d'autres films, à l'histoire du cinéma, à cette question et cette résurgence permanente du mythe du vampire. Comme dans tous les bons sujets, il y a un aspect à la fois très simple, très lisible, qui parle à tout le monde, chacun a son propre vampire, chacun a sa référence vampirique, je pense. Et puis en même temps que c'était un vrai sujet sérieux sur des questions du rapport à la mort, à la spiritualité, à la sexualité, à la religion, et qu'on pouvait vraiment faire une exposition à plusieurs niveaux de lecture, et c'est là que ça devient passionnant. Dans le Jarmusch, on a aussi des cas de vampires qui sont devenus inoffensifs. Ils ne viennent plus s'abreuver en sang en dévorant leurs semblables, mais... Ils viennent s'approvisionner à la clinique par un trafic de poches de sang. On sent qu'ils ont passé dans une nouvelle ère de relations avec les vivants. Oui, je pense que c'est éminemment important. D'ailleurs, dès le film de Tony Scott, les prédateurs, il y a une réflexion en creux sur le sida. Donc c'est vrai que le sida, du coup, qui est apparu, re-questionne c'est très fortement, parce qu'il y a en plus de ça ses relations au sexe et à la mort, qui est très présent dans Dracula de Stoker, et qui du coup donne une sorte d'effet comme ça, d'amplification. Et donc il y a beaucoup de films de cette époque-là qui tournent autour de la question du sida, sans forcément le nommer directement, parfois en le nommant, jusqu'au film de Jarmusch, qui aussi parle très fortement du sida. Il y a d'abord aussi cette présence très médicale dans le film, on voit beaucoup de scènes dans l'hôpital, et puis on comprend que un des vieux vampires que va avoir Tilda Swinton au Maroc est une sorte de référence. On comprend d'ailleurs, parce que le film aussi est plein d'humour, que ça aurait pu être Shakespeare, immortel, et qui serait installé au Maroc, et qui dépérit parce qu'effectivement il a du sang de mauvaise qualité. On peut comprendre que, entre les lignes, qu'effectivement il a été contaminé par du sang malade, et donc c'est une réflexion intéressante sur indirectement aussi sur le sida, mais après, dans les deux cas, que ce soit Tony Scott ou Jarmusch, effectivement sur une époque, parce que c'est pas uniquement la contamination peut-être que du sida qui les intéresse, mais évidemment là, comme ça se passe pour le Jarmusch, entre les États-Unis et le Maroc, cette question aussi de la domination nord-sud, c'est ce couple, elle, Tilda Swinton, est au Maroc, son mari est aux États-Unis, et donc voilà, tout un questionnement sur des territoires tournés à Détroit, une ville en faillite, une ville, une sorte de nouvelle faune, voilà, moribonde, en même temps une nouvelle faune est apparue, au sens propre, au sens figuré, des nouvelles personnes et puis des animaux, des nouvelles plantes, enfin quelque chose de nouveau qui se régénère. Donc c'est des questions sur, effectivement, enfin pour Jarmusch, un peu de questionnement de la ville du futur, de ce que ça exprimera, de quoi ça ressemblera. C'est en 1791 que cela est arrivé. J'avais 24 ans. Plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais l'époque était différente. À cet âge, j'étais un homme et le maître d'une grande plantation au sud de la Nouvelle-Orléans. Ma femme était morte en couche. J'ai failli laisser ma chemise. Je l'avais enterrée avec l'enfant il y avait moins de 6 mois. Ça va être un scoop. J'aurais été heureux de les rejoindre. Quel scoop ? Je n'ai pas besoin de me présenter. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Storming many men's. C'était La Mort Vivante, Obsession Vampire. Avec Philippe Charlier, Jean Marigny, Jacques Sergent, Mathieu Orléans et Georges Besse. Merci à Alain Morvan, éditeur du volume Dracula et autres écrits vampiriques dans la bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. Extrait de film, Dracula de Todd Browning, Dracula de Francis Ford Coppola, Le bal des vampires de Roman Polanski, Entretien avec un vampire de Neil Jordan, Nosferatu de Werner Herzog, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, Buried de Rodrigo Cortez. Prise de son, Romain Lucquins, Mathieu Perrault, Laurent Lucas, Pierre Monteil. Mixage, Claude Niort. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anna Sluc. Fantômes, vampires, revenantes, zombies ou âmes errantes, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter au train fantôme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Vous.